Yeah, mixtape Ghetto s'exprime. Ouais ouais, un putain de rap vulgaire. Un putain de rap vulgaire, frangin. Ok, c'est du sort scrupule, pulse au pique esquinte comme d'habitude. À ton dos t'as besoin et qui fait mal comme ta piqûre. T'en exeuté manque d'émotion, y'a beaucoup d'anxiété. Gratte-toi les veines, gros, car de mon sang tu deviens axeto. Sauf pique patate à tard, toujours au B pour du rap vulgaire. Lyrics mais art, art de barbare comme devant une guerre. Pour les insus, Arco écoute, un conseil cousin, je suis subtilité. Car eux t'écoutent tandis que les insus. Moralité, mon frère, frère, pas de liberté, ils veulent looker ça. Moralité ni blaire, blaire, nous on sait tous qu'il a niqué ça. Bref, on s'est compris, j'ai pas envie de cramer sa compile SK, tant pis, je m'arrête à 12. Pour que ça tombe. Tu fais du rap, rap vulgaire. J'explose tes barrières. J'débarque et tu flanches. Enclenche la marche arrière. Oui, j'marche avec les anges. Pas de chance, mec, c'est dangereux. Taille une dans le jeu, mec, c'est dangereux. Et mes ennemis vont tous cramer comme un Auschwitz avec leur grosse bitch. En enfer, vous aurez tous des bites. Me tester, c'est pas la peine. Toi et ma clique, c'est pas la même. On a plein de haine. Autant qu'on aime, tu me fais de la peine. Sur terre, je purge ma peine. La tête, je la sors à peine. À la tienne, j'lève mon verre. À la fin, c'est toi que je ken. Da hyène, ma mère. Ma philosophie se lit sur le blas suprême MTM. J'ai encore un truc sale à dire de pige que j'ai carcéré. Encore un truc sale à dire tous les frères incarcérés. J'ai pas encore quitté l'école, dans les halls ça se caracole. 20 piges de guerre mais j'ai pas goûté à la tôle. J'm'en bats les couilles moi, tant que j'ai rien qui m'épaule. J'ai pas choisi ce thème, mais j'ai pris mon rap pour prétexte. Retranscrire ma haine pour redonner de la force dans mes textes. Ouais 91, t'as pas compris pourquoi personne veut test. Moi c'est ma thèse et c'est la merde, tout le monde nous déteste. On a la rage, on a la haine, on vient couper des têtes. Entre la rue et la zig, j'ai fait un choix. J'ai préféré devenir une star en 2005 à l'All-Star. Et yo quand je vais mal. Heureusement ceux qui m'épaulent m'adorent. À force de nager dans l'alcool, je mériterai la palme d'or. Et puis je n'arrête pas de me dire que ce drôle de monde on peut le maudire. Je suis tellement en chien que j'ai l'impression que je m'appelle Médor. Avoir le barreau, pas besoin de Viagra. Mais j'ai une vie ingrate. Et gros, je veux pas être vieux et gris. Alors quand je peux, je viens et gratte. Escamicase, grave de manière sarcastique. J'ai tellement rien si tu me fous de mes poches, t'en sors qu'un stick. On donne tout ce qu'on a. Car notre vie, on veut qu'elle brille. Je veux cramer le monde, mais dans mes mains, moi j'ai qu'un vieux qui brille. Ici ça représente, ou si ça finit et les épinettes. Là où y'a pas de pin-up, que des streeters avec les yeux pas nets. Ici le cash, elle s'exprime. C'est Ghetto qui s'exprime. Écoute, gros, j'ai pas le temps. Magouilleur à plein temps. Squatteur du bat, c'est des bains de sang. C'est vulgaire. Et je redanse, style Jackson dans un jardin d'enfants. Je viens choquer ta mère, gros, je viens choquer ta France. Je suis en guerre comme Zarqawi. Un calibre sous le Kawaii, c'est du Fox Sarkozy. Il y a un contrat de paix sur la tempe, un Uzi. Moi aussi, c'est la routine. J'ai rien dans le jean. La bouteille du B sous le red skin. Je rappe pendant les partiels, on veut faire notre trou. Telle une pucelle chez Dorsel, j'éterre sur mon trou. Je suis sous le boîte ou en dégrisement. J'ai 20 ans, plus de points de suture que de printemps. Le son sature, gros, en fait, j'ai plus le temps. Ok. Vulgaire de nos caractères, aux artères du BPM. Rap de voyous pour mes lascars. Lyrics baguette dans des thèmes, sans antenne. On capte rien, vulgaire dans le thème, on saigne. Pas d'amour, on reste qu'on est. Même sous les coups, quand on saigne. Contre l'autorité, rageux dans les coups de queue ou dans la fraude. De la fraîche ML avec CD, il est dit au frais. Et wallah, c'est Hami, rap au parloir au Darmi. J'étais à Tassar, rap de rue, streeter sans permis. Vulgaire dans les coups de tube, appelle le tout bip, y'a mon Roax. Violent dans les Ace avec la patate d'un croate. En arrière-plan, en flanc pendant que madame Zermi nous la met. Profonde vulgaire comme un skinhead, fumant le calumet. De la paix.